companheiro da nossa alma, com dizer se tem. Diz que era manso, misata, pisança, novo nome, e por isso teu ar. Tô aqui por novo, salão, instância. Diz que era amor, era amor, era paz. Diz que era amor, se notre tine guerre. Le liberté d'un peuple acheté. Diz que era amor, nous aurons pour bannière. Ta croix sanglante, au Christ ressuscité. Mais au sauveur, tu sais notre faiblesse, nous tomberons sur le mort à chemin. Si tu ne viens accomplir ta promesse, jusqu'à la mort, nous tenons par la main. Jusqu'à la mort, ressuscité. Debout cette cohorte, soldats du roi des rois, dans une main forte, l'étendard de la croix, au sentier, au la trompette résonne, de vous vaillants soldats, immortelle le couronne, est le cri des combats. Si l'ennemi, si l'ennemi fait rage, soyez fermés et forts. À l'horizon lointain, bientôt, Considère l'univers créé.